En ces temps de festivités, tout le personnel et la direction des Électriciens du Nord profitent de l'occasion pour remercier leur clientèle et souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Paix, santé, bonheur et liberté, ce sont les vœux du propriétaire Ghislain Tremblay qui vous invite pour vos différents travaux en électricité pour la prochaine année. L'estimation est gratuite. Les Électriciens du Nord, au 1025 Première Rue, à l'Ascension, au 418-347-5103. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication de mariage chandelier. Le temps des fêtes est un moment unique pour passer du temps avec nous. Profitez-en pour vous ressourcer et n'oubliez pas d'encourager nos commerçants locaux pour vos achats. Joyeuses fêtes et bonne année 2020. Sur notre site web au www.do2.ca. Memorial Stadium à Saint-Louis, alors qu'aujourd'hui les Expos inaugurent la saison 1972 et ils enverront au monticule leur as droitier Bill Stoneman pour faire face à une autre vedette des Cardinaux de Saint-Louis, Bob Gibson. Et permettez-moi de vous rappeler que ce reportage est autorisé en vertu des droits accordés par le club de baseball Montréal Limité uniquement pour le bon plaisir de nos auditeurs. Toute retransmission ou tout autre usage du contrat de ce match est interdit sans le consentement explicite du club de baseball Montréal Limité. Et nous revenons avec l'alignement des deux équipes dans 60 secondes. Bien Jean-Pierre, tout d'abord, je vais commencer par donner l'alignement des Expos de Montréal et c'est une formation assez nouvelle qui s'offre à nos yeux cet après-midi. Pour commencer, pas de changement, disons que le numéro 33, Ron Hunt, sera le premier frappeur du rôle des Expos, jouant au deuxième but. Première surprise, Bob Bailey. Le numéro 3 qui joue au troisième but, frappe en deuxième position, suivi du nouveau venu. Mike Jorgensen au premier coussin, le numéro 45, en quatrième place. Le numéro 6, Ron Fairley, qui joue à une position peu habituelle, soit au champ droit, il remplace Rusty Staub. En cinquième position, le numéro 29, un autre nouveau venu, Ken Singleton, au champ gauche. Au champ centre, le numéro 8, Boots Day, qui est suivi du jeune receveur Terry Humphrey, qui porte le numéro 22. En huitième place, un autre nouveau venu, le recours Tim Foley, qui porte le numéro 19, et le lanceur, le numéro 26, Bill Stoneman. Eh bien, Jacques, une chose assez surprenante, c'est que... On va parler, on fait les grandes entrevues, on fait connaître nos personnalités, nos collaborateurs, et ben, évidemment, moi, je suis très flatté, ça fait 10-12 ans que Jacques collabore avec moi, Jacques Doucet. Salut Jacques, la voix des Salut Danny. Jacques, évidemment, c'est une belle longue carrière qui a commencé longtemps, puis je t'écoutais ce matin avec celle du 91-9 que tu as fait l'an passé, je voulais un petit peu me baser un peu sur les mêmes idées. Et toi, tu t'en allais-tu vraiment vers le journalisme sportif quand tu as commencé? C'était-tu souvent quand t'es jeune? Non, ouais. Ça a été arrivé un peu par accident, si tu veux. Ouais. Parce qu'à ma sortie, quand j'ai laissé mes études, j'étais au collège classique puis j'ai pas complété ma belle lettre. Je suis rentré sur le marché du travail puis mon premier travail a été... comme commis de banque à la Banque de Montréal. J'habitais à Granby, mais je travaillais à Crownsville. OK. Et puis, après un an, j'ai été transféré à Granby. Puis, pendant que j'étais toujours à la banque, si tu remontes dans le temps, tu es peut-être trop jeune pour ça, mais il y a un journal qui avait été fondé qui paraissait seulement le dimanche, qui s'appelait Le Dimanche Matin. OK. Jean-Paul Chartrand, Seigneur, as-tu travaillé là aussi, je pense, hein? Je pense que oui, Oui. Écoute, il y a un paquet de journalistes. C'est pas le Montréal matin, il faut pas se mêler, là, parce qu'on... Non, ça s'appelait Dimanche matin. OK, OK. Parce qu'il paraissait seulement une fois par semaine. OK. Et puis mon père, qui était professeur à l'École d'art et métier à Granby, arrondissait ses fins de mois comme journaliste sportif. Il a travaillé à CHF, il a écrit dans La Voix de l'Est, il a écrit dans La Nouvelle Revue, il a même écrit en anglais dans le Granby Leader Mail. Et papa avait été approché pour travailler le samedi au journal Dimanche Matin parce que c'était imprimé à Granby. Okay. Le bureau-chef était à Montréal, mais il était imprimé à Granby. Mm. Alors, à un certain moment, mon père est du genre qui dit, si tu veux arrondir tes fins de mois, ils ont, je sais que tu es bon en français et en anglais. Il dit, si ça te tente, viens passer quelques heures le samedi matin au bureau pour faire la traduction, disons, du match de boxe de la veille ou compte-rendu des matchs de golf ou de tennis ou ces choses-là. Alors, je faisais 35 piastres par semaine à la banque pendant ce temps-là. Tu mets ça? Tu mets ça à la banque, du coup? Non, on te teste ça. OK. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Et puis, là, à ce moment-là, il m'offrait 10 piastres par samedi matin. Alors, écoute, je faisais 35 piastres par semaine à la banque. Puis là, pour 4 heures de travail, j'allais me chercher un 10 piastres additionnel. Ouais. Tu sais, c'était énorme pour moi. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais 17-18 ans. Okay. Alors, j'ai commencé là et en travaillant là le samedi matin à Granby au dimanche matin, j'ai rencontré des gars comme Jean-Paul Jarry, Gérard Champagne, Jerry Trudel, qui eux aussi étaient des journalistes de Montréal, mais qui venaient arrondir leur fin de mois en travaillant le samedi au dimanche matin. Okay. Alors, de fil en aiguille, après 2 ans à la banque, écoute, c'était pas ce que je cherchais. Je n'aimais pas la mathématique. Puis pourtant, éventuellement, je me suis retrouvé dans le baseball où les chiffres sont très abondants. Oui, ça. Mais ça, il y a une manière. Alors, il y a une manière aussi, les mathématiques, tu peux avoir la JEB, t'as bien des affaires. Là, pas dire jamais que... pas ça. Ah, ouais. Jamais pas ça. Okay. Si je pouvais additionner 2 et 2, je faisais 4. Bien, je voulais pas aller bien plus loin. J'aimais pas ça. OK. Et puis, moi, c'était plus les lettres qui m'intéressaient. Puis là, tu as commencé alors, à la presse, je pense. Hein? Après, ouais. Là, à un certain moment, j'ai dit à mon père que la banque m'intéressait plus. Bien, il dit, lâche, mon grand, puis trouve-toi un autre job. Ouais. Bien oui, mais je dis, pas. Il dit, écoute, je t'ai fait vivre jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Je suis capable de te faire vivre encore 6 mois. En attendant que tu trouves un job. Ouais. OK. Et puis à ce moment-là, ben, il y avait un journal qui s'appelait Parlons Sport à Montréal. Et puis, je pense que c'était Jean-Paul Jarry qui était l'éditeur. Et lui, il venait au dimanche matin, le samedi. Et puis, il m'a dit écoute, il dit, si tu veux venir faire un petit tour, il dit on pourrait peut-être t'engager. Fait que je suis allé faire une couple de séjours-là. Et puis, de fil en aiguille, Gérard Champagne, qui était directeur des pages sportives à la presse, à un certain moment, il a appelé mon père et il dit, « Dis donc, Jacques, qui vient de me voir. » Je suis allé le voir, puis là, il m'a dit, « Écoute, il va avoir une ouverture, disons, au mois d'août, à la presse. Dis donc, Jacques, qui vient de faire application. Okay. » Alors, j'ai fait application, puis éventuellement, j'ai été embauché à la presse. Et les expos n'étaient pas là, t'étais pas arrivé dans... Ah non, c'est en 62, ça. Ouais. Les Royaux étaient partis, je pense qu'ils étaient couverts. Oui, oui, oui, oui. Même oui, les alors, Alouettes, je pense, à l'époque, hein? Les Alouettes étaient là. Oui, OK. Oui. Et puis là, moi, j'ai commencé à la presse, j'ai couvert surtout du sport amateur, du football, du hockey, du baseball, j'ai couvert les petits Jeux olympiques de Montréal, ces choses-là, tu sais, du Québec. Okay. Et puis, de fil en aiguille, à un certain moment, celui qui faisait ce qu'on appelle, en termes de métier, le beat de la Ligue nationale de hockey, le Canadien, c'était André Trudel à la presse, et il a dit à notre patron que c'était sa dernière saison comme chroniqueur de hockey. Il était tanné de voyager. Okay. Alors, à ce moment-là, on était 3 jeunes à la presse. Il y avait Gilles Desroux, il y avait Guy Pinard et moi. Et puis, Gérard Champagne, il y a dit, celui qui va manifester le plus d'intérêt pour le beat, bien, on va y donner. Ouais. Alors, moi, je me suis lancé à cœur perdu là-dedans. Si j'avais du travail à faire, les matchs du mercredi au Forum. Okay. Eh bien, si j'avais du travail à faire, je le faisais à la maison avant, puis quand j'arrivais au bureau parce qu'on travaillait le soir à la presse à ce moment-là. C'était un journal d'après-midi. Quand j'arrivais vers 7h30, je disais à Gérard Champagne, écoute, si Trudel a besoin d'aide ce soir pour le match de hockey, je suis disponible. Tu parles de Jerry Trudel, tu parles... Gérard Trudel. C'est-tu pareil avec Pierre? C'est-tu la même... C'est pas les mêmes... Non. Mais là, moi, je te parle de Gérard Champagne. Oh. OK. Qui était le directeur des pages sportives à la presse. Ouais, OK. Dis-moi... Alors, j'ai commencé, tu sais, à me tremper dans le hockey avec le Canadien. Mais éventuellement, c'est Gilles Théroux qui en a hérité. Et puis moi, j'étais vraiment déçu. Parce que j'avais dépensé énormément d'énergie et je nourrissais l'espoir de devenir le chroniqueur de hockey de la presse. Et puis là, c'est Théroux qui en a hérité. J'étais vraiment déçu. Et puis à ce moment-là, si ma mémoire est fidèle, il y a eu un club de baseball qui a atterri à Los Angeles. Okay. C'était... un promoteur de Toronto, là, son nom m'échappe, là, mais il va peut-être me revenir en cours de route. Mais c'est lui qui avait fondé le club de hockey des Kings de Los Angeles. OK. Et puis là, moi, je lui ai écrit, je l'ai même appelé, parce que je lui disais, je sais que dans la région de Los Angeles, il y a énormément de francophones. À ce moment-là, là, je te parle de 67, 68. Oui, c'était fondé en 67. Je l'ai en 67, temps. Bon, à ce moment-là, tu sais, j'ai dit, il y a énormément de francophones dans la région de Los Angeles. J'ai dit, tu as besoin d'un chroniqueur de hockey bilingue, parce que moi, je suis pas parfaitement bilingue, mais je me débrouille très bien en anglais, en plus d'être bon en français. J'ai dit, je pourrais être votre homme. Puis il m'a répondu, c'était Jack Kancook, à ce moment-là, qui était le fondateur des Kings. Ouais. Et il m'a répondu, puis il m'a dit, malheureusement, il dit, on a tout notre personnel. Propriétaire des Lakers également. Donc, Ah ouais, mais je te parle, les Lakers, c'était le basket. Ouais, je sais, mais je veux dire, Jack Kancook, qui était les Kings et les Lakers. Hey, ouais, parce que moi, le basket ne m'intéressait pas du tout. Je ne connaissais absolument rien là-dedans. Ouais, ouais. Alors, moi, c'était le baseball à ce moment-là. Alors. Là, tu sais, il y a une autre porte qui s'est fermée, puis là, j'étais vraiment... je n'étais pas déprimé, mais tu sais, je me voyais presque condamné à suivre du baseball amateur le restant de ma carrière de journaliste. Parce qu'il faut dire que tu as commencé à aimer le baseball en écoutant, moi aussi, là, les NBC Sports de ce monde, de dimanche après-midi, avec... Le samedi après-midi. Oui, avec mon père. Mon père était un ardent partisan. Malheureusement, c'est lui, son équipe favorite, c'est les Yankees. Ouais. Okay. Alors, mais avec papa, c'est le même que, tu sais, j'ai commencé à m'intéresser au baseball le samedi après-midi en regardant. Puis mon père jouait toujours à la balle molle, lui, à Granby pendant ce temps-là. Mm-hmm. Alors, tu sais, c'est un bonhomme qui était érudit, mon père. Il avait fait c'est une classique, il pouvait enseigner aussi bien le français que les mathématiques ou la chimie. C'est un bonhomme extraordinaire qui, malheureusement, est décédé à l'âge de 52 ans. Hey, c'est jeune de perdre son père. J'ai perdu mon père à 58. Quel âge t'avais, Jacques, quand t'as perdu ton père? 25 ans. On avait pas mal les mêmes... Ouais. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, j'ai pris mon mal en patience et soudainement, j'étais au centre Paul Sauvé pour couvrir une course de 6 jours cycliste. OK. Et puis, on était au mois de mai et il y avait eu la convention du baseball majeur à Chicago. Et, je sais pas moi, vers les 10h15 le soir... au centre Paul Sauvé. Claude Mouton était l'animateur maison pour les cyclistes, la course cycliste. Il dit, bon, mesdames et messieurs, il dit, voici une nouvelle en provenance de Chicago. Le baseball majeur a accordé 2 nouvelles concessions dans la Ligue nationale de baseball, San Diego et Montréal. Et ça avait été une grande surprise, parce que Montréal, pour avoir lu ton livre, genre que ça a passé à un cheveu, que la concession n'arrive pas au monde. T'sais, Charles Brockman a vrai, entièrement raison. Oui, mais je pense que même ça, c'était une surprise, même la concession qu'elle soit attribuée à Montréal. Hein? Oui, mais c'est parce que ça faisait longtemps que le maire Drapeau et ses adjoints, ils travaillaient soit pour avoir une concession de la NFL au football ou une concession de baseball majeur. Ouais. À tous les ans, ils se présentaient devant des comités d'expansion des deux circuits. Puis, tu sais, ils posaient la candidature de Montréal. Puis, en ce qui concerne le baseball majeur disait à Montréal... Construisez un stade, on va vous donner une concession. Puis Montréal disait, donnez-nous une concession, on va construire un stade. Alors, on tourne en rond. Mais lorsque la nouvelle a été annoncée, moi, comme je te dis, j'étais au Centre Paul Sauvé. Et puis, moi, j'ai lâché le cyclisme tout de suite, me suis rué vers la presse. Puis en rentrant dans la salle de rédaction, j'ai regardé Gérard Champagne, je lui ai dit, Jerry, le baseball, c'est à moi. J'en ai hérité et puis c'est de même que ma carrière dans le baseball a éventuellement commencé ça en 69. Jacques, avant d'aller à la pause, après ça on parlait de ta carrière au baseball comme commentateur, ça avait passé très proche. Si Charles Bronfman ne sauve pas le club, je pense que c'était une question de temps. C'est le maire Drapeau qui avait appelé Charles Bronfman puis il a dit, Charles, écoute, si tu te lèves pas pour prendre, il dit, moi, je suis obligé d'appeler le baseball majeur, puis il dit que, tu sais, on n'apprend pas à concession. Puis éventuellement, Charles a bien répondu à son appel, puis c'est de même que la saga des Expos de Montréal est née. OK. Jacques, c'est pas mal, on va aller à la pause, on va commencer à compter, parce que tu as commencé à la presse, pas nécessairement au micro, c'est en 72, c'est arrivé au premier au micro. On va compter qu'est-ce qui est arrivé. Vous allez écouter une grande entrevue avec Jacques Doucet sur les ondes d'Anadiosport.com. En ces moments de réjouissance et de bonheur, toute l'équipe de Jean Dumas Ford souhaite de joyeuses fêtes à sa distinguée clientèle et la remercie de la confiance témoignée durant l'année qui s'achève. Profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini. Numéro 418-276-1316. L'équipe de Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant l'année 2019. Polaire 3 au 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Donc, ce que vous venez d'entendre, évidemment, c'est la première diffusion de Jacques Doucet en 1972. Jacques, évidemment, donc, tu as commencé en 72. Sur YouTube, ton premier match, et d'ailleurs là, c'est là que j'ai pris l'extrait. Donc, c'est quand même intéressant. Mais tu n'as pas commencé, comme je disais avant la pause, tu n'as pas commencé comme commentateur. Tu étais à la presse et en 1972, on t'a demandé une fois par semaine seulement de faire des matchs. Ben oui, parce que Jean-Pierre Roy, qui était travaillait avec Jean-Paul Sarrault à la radio des Expos, ben Jean-Pierre, lui, quittait le micro radiophonique pour aller à Radio-Canada comme analyste pour les matchs des mercredis. Ouais. Alors, ça prenait quelqu'un pour travailler aux côtés de Jean-Paul. Et puis, j'imagine qu'ils ont dû en essayer quelques-uns puis que ça ne devait pas fonctionner. Et c'est à un certain moment, c'est Jean-Paul Sarrault qui a dit, écoutez, il y a le jeune de la presse, là, Jacques Doucet, son français n'est pas méchant, puis il voyage avec le club. Okay. Alors, tu sais, vous pourriez faire d'une pierre deux coups si vous lui offrez de faire ça une fois par semaine, tu sais. Ouais. Alors, évidemment, je connaissais rien à la radio à ce moment-là. OK. Tu sais, il m'offrait, je me souviens pas combien d'argent pour un match, là. Et puis, je suis allé voir mon patron à la presse, Gérard Champagne, puis je lui ai dit, écoute, Jerry, on m'offre de faire la radio des Expos le mercredi, une fois par semaine. OK. Ben, il dit, écoute, il dit, puisqu'on est un journal d'après-midi, il dit, nous autres, notre première édition, et dans la rue vers 10h30, 11h le matin. Mm. Alors, tu sais, si le match de baseball se termine à 11h, 11h30, tu peux écrire jusqu'à 3h du matin si tu veux. Ton article va paraître dans la presse. Il dit, pour une fois par semaine, il dit, je vois pas de conflit là-dedans. Il dit, c'est correct, je te donne ma bénédiction. OK. Puis c'est alors, c'est de même que 72, disons, je dirais, de juin 72 à la fin de 71, j'ai remplacé Jean-Pierre Roy aux côtés de Jean-Paul Savoie une fois par semaine. OK. Comment ça a pris de temps avec que tu, entre ce qui t'engage et que tu sais que tu décris ton premier match? As-tu beaucoup de pratique? As-tu beaucoup de... Tu dis que tu connais rien. As-tu une grosse formation? Du tout. Moi, j'avais pas étudié pantoute pour ça. OK. Et puis... Donc, c'est vraiment par hasard. Alors... Oui, alors là, j'ai commencé une fois par semaine avec Jean-Paul. Ouais. Mais Jean-Paul travaillait au Montréal Matin, lui. Okay. Tu sais, il faisait double emploi. Alors, normalement, il devait, parce que c'est un journal du matin, le Montréal Matin, il devait écrire durant le match pour que, tu sais, son texte soit fini avec la fin du match du baseball, puis que ça ne se rende pas tout de suite à l'imprimerie. Alors, après, je sais pas, 5-6 matchs avec lui, sans m'avertir, on commence le match, puis après les 3 premières manches, on passe à la pause commerciale, puis en revenant, il dit, je sais pas moi, c'est les expos de temps, l'autre équipe de temps, et pour la description des 3 prochaines manches, voici Jacques. Ouais. Il m'avait pas averti, là. T'as fait le même coup à Claude Raymond, hein? T'as fait le même coup à Claude oui, Raymond aussi. Oui, exactement. Claude, comment il avait trouvé ça? Il a dû rester bête un peu? Oh non, il était content. Il était content, OK. C'est bon. C'est parce qu'à un certain moment, tu sais, moi, quand j'ai commencé à CKAC, en 72, il aurait voulu que je fasse la description des 9 manches. Ouais. Et moi, j'avais dit à la direction de CKAC, êtes-vous malade? Ils ont dit, quoi? Je dis, écoutez, une saison de baseball, là, c'est 162 parties. Ouais. Voulez-vous que je perde la voix rendue au mois de septembre? Okay. Alors, ils avaient accepté que je puisse partager. Bien, quand j'ai commencé, je faisais les 3 premières manches comme descripteur. Jean-Pierre était analyste. Après, Jean-Pierre faisait les 3 manches suivantes comme descripteur, moi j'étais analyste. Et t'as fait la même affaire avec Roger, puis t'as fait la même affaire avec... Ben oui, exactement. Puis moi, je trouvais que la formule était bonne parce que le fait que ce ne soit pas toujours la même voix qui fasse la description ou l'analyse, ben tu sais, puis tu ne vois pas un match de baseball du même œil comme commentateur ou descripteur ou comme analyste. C'est totalement différent. Ouais. Alors, pendant... la première année avec Jean-Pierre, c'est de même que ça a fonctionné, mais à la fin de la saison, Jean-Pierre a quitté les expos pour s'en aller comme relationniste avec la brasserie O'Keefe, tout en conservant son poste d'analyste à Radio-Canada pour les matchs de baseball. OK. Dis-moi... Alors, c'est à ce moment-là que moi, j'ai dû me chercher un analyste parce que Jean-Pierre s'en allait. Alors, j'ai essayé 2-3 personnes, là, des relationnistes des expos. J'ai essayé Fernand Liboiron, j'ai essayé plusieurs autres. Et moi, le gars que j'avais en tête, c'était Claude Raymond qui venait d'être libéré et par Claude les expos. Claude était amer, si je me rappelle bien. Écoute, il y avait une crotte sur le cœur parce qu'il disait, tu sais, vous m'avez pas donné la chance, vous m'avez libéré, disons, au mois de janvier. Puis là, tu sais, même si j'appelais des clubs pour avoir une chance, tu sais, de me présenter au camp d'entraînement, ils disaient, ben écoute, si tu vas avoir une chance, paye tes dépenses, viens-t'en. Mais Claude disait, ben écoute, si je vais avoir une chance, donnez-moi la chance de me présenter. Alors, Claude était amer envers les expos. Mais là, moi, ça faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête qu'on pourrait faire équipe. Une très bonne équipe à la radio des expos. Alors, à un certain moment, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Claude. J'ai dit, écoute, Claude, si tu peux faire abstraction de l'amertume envers les expos pendant 3 heures, une fois par semaine, ben, tu sais, j'aimerais ça que tu viennes travailler à mes côtés. Oui. Ah, alors, ouais, tu laisse-moi y réfléchir. Puis là, une couple de jours après, il m'a appelé, il dit, OK, je vais essayer ça une fois par semaine. Mais, puis après qu'on ait eu fait ça, ben là, écoute, à la fin de l'année, les expos avaient déjà jeté leur dévolu sur moi comme commentateur. Puis là, moi, j'ai appelé mon patron, puis j'ai dit, écoutez, là, Claude, là, avez-vous des négociations avec? Ils ont dit, oui, mais tabarotte, il veut pas mal plus d'argent que toi. Hey, je lui dis, écoute, le gars joue au baseball professionnel pendant 17 ans, donc 10 ans au niveau majeur. Donnez-y l'argent, puis c'est un Canadien français, tabarotte. C'est l'homme tout désigné pour ça. Puis j'ai dit, si jamais vous trouvez que je suis sous-payé, ben vous m'augmenterez. Claude, Jacques, je me rappelle très brièvement des matchs avec Claude Raymond. Moi, j'ai commencé vraiment à t'écouter avec Roger. Écoute, c'était sacré à côté de 18h50. Tu vois, les matchs des expos commençaient à 18h50, 19h en région. Donc, mais avec Roger, par la suite, comment ton association avec Roger? Parce que lui, Roger, je pense, il était au recrutement. Il était également directeur des voyages, également des expos à l'époque. Oui, ben écoute, Roger a franchi tous les échelons dans l'organisation des expos avant d'aboutir comme commentateur. Il a été relationniste, il a travaillé au dépistage, il a même été le gars qui, avec Mel Didier, organisait le camp des mineurs des expos de Montréal. Roger avait, tu sais, il avait un bagage d'informations que peu de gens avait ici au Québec. Et moi, quand à un certain moment, Claude est tombé malade, on était au camp d'entraînement, puis là, les expos, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai dit, écoute, Roger est là, on peut peut-être lui donner une chance. Et puis là, tu sais, Roger a commencé à travailler avec moi, puis là, évidemment, Roger avait été élevé en anglais. Lui, sa mère était britannique. Et puis, il avait été à l'école anglaise, alors il y avait un bon travail à faire pour parfaire son français. Puis, on a travaillé fort ensemble. Au camp d'entraînement, on allait enregistrer pendant que les matchs hors concours se déroulaient. On enregistrait le match avec une petite enregistreuse. Puis, après, on s'assoyait ensemble. Puis, on travaillait pour peaufiner son travail. Et puis, finalement, ben tabarouette, ça a résulté. On a été 16 ans à l'antenne des expos. Jusqu'en 89, 90, parce que lui, quand il était à la radio, là, tu vas chercher Alain Chantelois. Mais moi, je me rappelle... Oui, mais Roger avait continué avec moi. Oui. C'est parce qu'il s'absentait pour aller à RDS. RDS, effectivement. RDS ne faisait pas tous les matchs à ce moment-là. Non, 50 matchs à RDS. Oui, c'est ça. Alors, puis tu sais, tu avais des matchs également à TVA Sport avec Jean-Paul Chartrand, junior. Oui, effectivement. Fait que non, c'était... Puis tu sais, il y a eu des matchs à Radio-Canada. Il y a un certain moment, tu avais... à la télévision, tu avais Radio-Canada, tu avais TVA. Tu avais 100 matchs, tu étais partout. 100... Ben oui, écoute, c'était beaucoup, télévision, beaucoup. Télévision, 4 saisons, donc... Oui, mais il y avait un seul poste qui diffusait tous, c'était CKAC. Oui, c'est cassé, effectivement. Puis, 162 matchs par année, plus les séries éliminatoires et souvent les séries mondiales. T'avais 43 stations de radio affiliées. Nous, ici, c'était CJMT Chicoutimi. Oui, exactement. Également CHRL Robertval qui diffusait également les matchs. Donc, comme tu dis, on avait 43 postes à travers le Québec. Oui, 43. C'est de Sept-Îles, en passant par Chicoutimi jusqu'à Rouyn-Noranda. Puis après, c'était Hall, puis sur la Rive-Sud, ça descendait jusqu'à Valleyfield. Alors tu sais, on couvrait la province à 98%. Non, c'était vraiment magnifique, l'impact. Pas l'impact, mais les expos venaient même à les caravanes de Chicoutimi. Vous avez été en Chicoutimi. Ah ben oui, vous avez été partout, ben oui, donc, c'était les caravanes. Ils étaient justement, ici également. Justement, cette semaine, j'ai lunché avec Michael Barrett. ouais. qui était l'invité de Perigianus. Ouais. Ouais. Et puis, on a bien ri parce qu'on se rappelait certains événements dans les caravanes. Là. Mm. Alors, ça a été bien agréable. Est-ce que tu aimes mieux la TV ou la radio? Ben, c'est totalement différent ouais. parce que, tu sais, à la télé, tu es prisonnier de l'image. OK. Ouais. À la radio, tu crées les images. Mm. Alors, tu sais, tu as beaucoup plus de latitude. Et à la radio, lorsque le régisseur ou le technicien s'est cassé, il disait à mon technicien, pendant qu'on était au stade, que ce soit à Montréal ou ailleurs, « OK, dans 5 minutes, puis là, après, il y avait le décompte, puis après, on partait. » C'est nous autres qui... On était maîtres. Ouais. De ce que, tu sais, c'est nous autres qui décidaient lorsqu'on on mettait fin à une manche, puis quand on passait un message commercial, puis après, lorsqu'on recommençait, puis après, si on était maître de ce qu'on faisait pour l'émission d'après-match, tu sais, on pouvait faire une reprise, on pouvait faire des reprises, on pouvait faire des entrevues d'après-match, tandis que la télé, ça marche pas de même. Non. Et moi, j'aimais, un cadre qui est beaucoup plus rigide. Ton rétrospective, avec tu remettais tu faisais le bilan, ton émission oui. d'après-match des expos, tu faisais le bilan et tu repassais la cote. L'effet saillant. Oui, l'effet saillant du match, et tu l'entendais. Donc, c'était vraiment ouais. bon. Là. Moi, j'adorais vraiment ça. Moi, je me rappelle du circuit, entre autres, de Damaso Garcia au Stade Olympique en 89, un samedi après-midi. Roger manque quasiment tombé. C'était incroyable. Je l'ai refait jouer l'année passée quand Damaso Garcia est décédé. Ça, c'est ben oui. quand Roger était... Et c'est Roger Bullock, c'était ça. Pour moi, c'est la fois que je l'ai entendu le plus crier là, que Damaso Garcia. Tu t'en rappelles? Un samedi après-midi contre les Reds. Oh oui, oh oui, 5-1, oh oui, oh oui. Les Reds en fin de match. Damaso, oui, effectivement. Évidemment, écoute, c'était un grand vide pour toi quand les expos sont partis. Hein? J'ai mal saisi ta dernière phrase. C'était un grand vide pour toi quand les expos sont partis. Hein? Ah, ben écoute. Ouais, c'est un j'étais rendu, à, 60, j'étais rendu ouais. à 64 ans. Mm. Tout ce que je savais faire, c'était du baseball. Mm. Ou je pouvais écrire aussi, là, mais ça, pour moi, là, c'était. T'sais, une saison de baseball, là, c'était 162 parties. Ça commençait au mois d'avril, mm. mais on avait. La caravane, on avait le camp d'entraînement. Les assises d'hiver. Exactement. Fait que, tu sais, là, je me retrouvais devant absolument rien. Ouais. Alors, ça a été l'année 2005, ça a été une année qui a été très, très difficile. Ouais. Et heureusement, j'avais quelques bons amis au Journal de Montréal qui m'ont donné un peu de travail, mais, tu sais, c'était faire des reportages, là, disons, sur le congrès des optométristes, les 100 ans l'oratoire Saint-Joseph. Ouais. Tu sais, c'était pas dans mon domaine du tout, là. Mais au moins, ça me donnait un peu d'eau au moulin. Mm. Et puis, ça me tenait occupé. Et ça, c'est jusqu'à ce que le téléphone sonne. Pour les capitales de Québec. Oui, Michel Laplante qui m'appelait des capitales de Québec. Michel, je l'avais connu, moi, au camp d'entraînement des expos, parce qu'il était venu à un camp d'entraînement vers la fin de sa carrière. Puis là, il était rendu avec les capitales de Québec dans la Ligue Eastern, si je me souviens bien, à ce moment-là. Ouais. Et puis, Michel m'appelle, puis il dit, écoute, tu viendrais-tu faire les matchs des capitales à Québec? J'ai dit, t'es-tu malade? Ouais. Ben, il dit, jamais tu viendras pas. J'ai ouais. dit, mais wow, Michel, saute pas aux conclusions, là. Ouais. Fait que non, c'est clair. J'ai dit, vous autres, là, c'est. En autant que je sache, c'est quoi? C'est 80-90 games par année que vous faites? J'ai dit, je partirai pas de chez nous pendant 6 mois, moi, là. Non, c'est clair. Tu sais? Oui, mais il dit, tu faisais juste les matchs à domicile. Oui, mais j'ai dit encore là. J'ai dit, quand vous êtes à domicile, vous êtes là pour 10 jours, ben, tu vas y avoir ça soir et matin. Oui. Tu vas t'avoir organisé quelque chose. Ben là, il dit, si on te trouve un pied à terre à Québec, ben il me dit, écoute, laisse-moi y penser. reviens-moi avec une offre plus concrète là, au point de vue monétaire, puis conditions de travail. Puis j'ai dit, rappelle-moi avec ça. Et puis, moi, dans ce temps-là, j'avais un bon chum qui était président de Baseball Québec ou qui venait de laisser la présidence de Baseball Québec, c'est Richard Bellec. Ouais. Et puis, je pense, aujourd'hui, hein? Oui, ouais. Malheureusement. Ouais. Et puis, avec Richard, une fois par mois ou deux fois par mois, on descendait tous les deux à Plattsburgh ou à Burlington, puis on allait chercher des livres de poche anglais. Parce qu'on aimait à peu près les mêmes auteurs. Alors moi, j'en achetais 3-4 d'un, puis lui, il en achetait 3-4 de l'autre. Puis après, on se les passait, puis on en profitait pour aller prendre une bonne bouffe ensemble. Mm. Puis à un certain moment, on revenait de Burlington ou de Plattsburgh, je ne sais pas, j'étais dans l'auto avec, avec Richard, puis mon cellulaire sonne, puis c'était Michel Laplante. Bon, mais Richard qui dit... si ça te tente, là, nous autres, on pourrait te donner, je me souviens pas du montant, là, mais ça, c'était pas comparable avec ce que je faisais chez les expos. Mais il dit, on pourrait avoir un pied à terre pour toi à Québec, à Stoneham. Puis il dit, tu ferais seulement les matchs à domicile. Ouais. Fait que là, ben je dis, laisse-moi y penser, je te rappelle. Fait que là, moi... Ma conjointe, Corrie, s'était fracturée la cheville au mois de décembre. Et puis, elle était alitée. Elle avait de la difficulté à se déplacer. Puis notre chambre était au deuxième étage. Aye. Fait que, comme très bon fidèle compagnon, je lui préparais son petit déjeuner le matin. J'allais lui porter ça au lit. Puis là, je vais lui porter son déjeuner. Puis je lui dis... Je viens d'avoir un coup de téléphone, là, ouais. Elle dit quoi? Ben, j'ai dit, Michel Laplante, il m'offre d'aller faire les capitales à Québec. Elle dit, tu y vas, hein? Elle dit, c'est ta barouette, t'es étonné de me voir à la maison, toi? Non, mais c'était un win-win pour tout le monde. Pour toi, Jacques, ça te remettait un pied sur le baseball, même si t'allais capitales. Ben oui, exactement. Je n'avais pas fait ça. La première entrevue, je me rappelle, Jacques, que j'avais faite avec toi, puis... Tu disais, je me rappelle, je trouvais on Jacques Doucet avec les capitales de Québec. T'as fait un peu de boue, là. Ouais. La première entrevue que j'ai faite avec toi, Jacques, je me rappelle, t'étais avec les capitales de Québec, puis je comprenais pas ton mot, mais tu sais, parce que t'as fait du baseball, puis là, tu te rends dans une ligue indépendante, puis c'était pic-pic un peu, les capitales, dans le temps. C'est plus que ça, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, avec la Ligue Frontier, puis ainsi de suite. Mais tu me rappelles, tu m'avais dit, garde, du baseball, c'est du baseball, puis c'est... Exactement. Puis, exactement. Toi, et puis plus t'occuper que d'autres choses, je pense. Donc, c'était win-win pour eux autres. C'était aussi une autre façon d'aborder le baseball qui n'était pas du baseball majeur. Ouais. Tu sais, dans le baseball majeur, pour avoir des entrevues avec les joueurs, c'est pas toujours facile. Non. Ça l'était plus en 69, 70 que ça l'est aujourd'hui. Là. Ouais. Mais dans le baseball indépendant, tu sais, t'as fait juste à regarder un joueur, puis ça te dirait, viens-tu faire une entrevue avec ta barouette, il arrivait en courant. Hein. Mais tu sais, ça m'a permis d'avoir un contact beaucoup plus proche avec les joueurs de baseball et la direction d'une équipe de baseball que même j'avais avec les expos. Ouais. Et ça, vu que mon nom circulait toujours dans les domaines du baseball à la radio. Faut pas oublier que il y a une année, tu sais, on avait Laforêt qui était le receveur, un ancien gars du baseball majeur. On avait gagné. Ouais. Puis on avait un voltigeur de droite qui est rendu à Ottawa, là, mais qui avait été dans le 3A. Fait que, tu sais, des fois, tu pouvais te fermer les yeux, puis presque penser que tu étais dans le baseball majeur. Là. Ah ouais, c'est. Et ça avait permis, avec la présence de Gagné, de Laforêt chez les Capitales. De relancer Capitales. Ben, c'est parce qu'à un certain moment, non seulement on faisait la description, mais même s'est cassé. Ouais. A pris certains de nos reportages lorsque Éric Gagné lançait. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est comme ça que, en 2011, lorsque TVA Sport a annoncé c'est-à-dire TVA a annoncé la création de TVA Sport. Bien, j'ai eu un coup de téléphone à Québec, puis on m'a offert le poste de commentateur à TVA Sport pour les matchs des Blue Jays, parce qu'on avait à TVA Sport à ce moment-là, le seul contrat qu'ils avaient avec le baseball majeur, c'était 60 matchs pour les Blue Jays. Oui, effectivement. Puis là, ben, et puis, j'ai commencé avec Roger. Et puis, écoute, ça fait déjà au-delà de 10 ans que ça fonctionne. Ouais, alors, vous êtes comme un vieux couple, tous les deux. Fait que, oui, exactement. Vous vous complétez bien. Toi, c'est le côté plus professionnel, le côté plus cartésien. Puis Roger, c'est plus le côté spectacle. C'est pour ça que vous vous complétez bien quelque part. Oui, puis Roger, tu sais, il y a des gens des fois qui ne l'aiment pas, là. Mais c'est un bonhomme qui connaît. Tu sais, il peut analyser le style d'un lanceur, il peut analyser le style d'un frappeur. Il voit tout, lui-là. Ouais. Les feintes irrégulières, moi, je les vois pas, puis lui, il décèle tout de suite. Ouais. Puis si le frappeur se présente au bâton à la première manche, puis à la troisième manche, tant qu'il revient au bâton, il a changé sa position ou il se tient plus loin du marbre ou plus rapproché. Ouais. Il voit tout ça, lui. Parce qu'il a travaillé dans le domaine du recrutement, il a travaillé avec Mel Didier. C'est un bonhomme qui pouvait analyser le style d'un lanceur aussi bien que d'un frappeur. Mais il y a des gens, tu sais, comme dans le baseball majeur, tu sais, à un certain moment, tu sais, on avait mentionné son nom peut-être comme possiblement être directeur gérant chez les Expos. Il aurait fait un bonhomme extraordinaire à cause de ses connaissances. Il avait gravi tous les échelons, tu sais, à partir du baseball mineur, organiser des camps d'entraînement, faire du dépistage, faire des recommandations, évaluer les rapports des dépisteurs ou, tu sais, à travers le baseball. Jacques, je vais te souhaiter des joyeuses fêtes. Merci beaucoup. On va se reparler en 2022, c'est sûr et certain. Joyeuses fêtes, bonne année, santé, c'est ça qui est important. Au plaisir de se reparler un autre temps. On va se reparler certainement en 2022, même si le baseball est sur pause, ils ne peuvent pas avoir une saison. C'est impossible qu'il n'y ait pas de saison. Fait que merci beaucoup pour cette belle entrevue, puis au plaisir de se reparler. Et André, écoute bien, là. Je veux que tu transmettes en mon nom et au nom de Roger et de tout, tu sais. Nos meilleurs voeux à tout ton auditoire. Ouais. La belle région de Chicoutimi. Écoute, je sais que tu as beaucoup de fans dans la région et à travers le Québec. Alors, longue vie à ton équipe, ton émission. Oui, oui, mais... Non, mais t'as un paquet de collaborateurs. Oh, oui, une quarantaine de collègues. Je commence à faire pas mal de collaborateurs, dont toi. Surtout beaucoup de santé. Ben, merci beaucoup, Jacques, pour le plaisir de se parler. Salut. Notre ami Jacques.